demander au métier de planche supplément. Ferme la grue, pas. Il s'appelle Reviens, sale bâtard! Mon maître! Hein, est-ce que ça fait déjà au moins deux ou trois que je te frappe, toi? Ils n'en reviennent jamais! Ça coûte très cher! Mon maître! Un flot sauvage! Vaut mieux l'empêcher d'autant à 5 euros que ça a senti loin d'où! Ah non, je suis pas prêt dans la moitié, il a pas ses chiffres, ça va pas. Et qui c'est? Franchement, Rose, faut qu'on batte. Après, tu t'es fait la gueule. Bah non, je suis pas la gueule, mais je fais tout, je te laisse parler. T'as vu après comment essayer de parler, n'empêche. Tu vas être sorti à gré de ses paroles. C'est pas pour les avaries. Je suis sûr, il dit faut le prendre chez moi. Chercher là, c'est parce que c'est mis de voler, je suis pas là. Là, comme il fait le mielleux avec le mielleux, ouais, je vais trop dur.